Maximum. Mais à chaque fois qu'on était genre vraiment close, il y avait toujours genre ce petit quelque chose. Je te mentirais comme dans l'histoire. Je te demanderai si tu y crois. Je me retournerai qu'une fois. Parce que j'en ai marre de faire de grands écarts. Parce que je vais fondre comme les ailes d'Icare. Diana, ma Diana, obéis.